Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Premier épisode. C'est la rentrée littéraire, avec des centaines de romans, autant d'écrivains sur les nerfs, des campagnes d'intox, des entreprises de séduction, des coups de foudre inattendus, du buzz, de la jalousie, des calomnies, des jurés de prix Goncourt, et des lecteurs qui attendent avec passion ce que leur réserve la cuvée 2015. Aux éditions du Bac, trois écrivains, deux attachés de presse, un éditeur, complotent pour notre plus grand amusement. Le suspense tient en deux questions. Qui aura le Goncourt 2015? Mais surtout, pourquoi ce titre? Septembre rouge. Vaut mieux pas dire que vous êtes la cousine de Welbeck. Avec ce nom-là, tout le monde va vous poser la question. C'est pas un problème, vous savez. J'ai l'habitude. Oh non, on ne s'habitue pas, vous pouvez me croire. Le plus simple, c'est de prendre un pseudo. Nom et prénom, parce qu'on a déjà une Sidonie dans la maison. Un prénom que j'aime bien, Liliane. Jamais à la mode, jamais démodée. Liliane? Ouais, Liliane, c'est bien, mais Liliane comment? Je sais pas. Mon nom? Liliane Cousin. Cousine de... Cousine, cousin, je trouve ça pas mal. C'est plutôt subtil, non? C'est un conseil? Non, faites-le. Si je m'appelais Anne-Sophie Modiano, j'aurais tout de suite pris un pseudo. Ne serait-ce que pour éviter d'avoir à répondre 18 fois par jour à la même question. Modiano, Anne-Sophie Modiano, vous êtes de la famille. Vous aimez Modiano? Modiano? Vous pouvez y aller, hein. C'est pas un auteur de la maison. J'aime beaucoup Modiano. Vous aimez le personnage? Ses livres aussi. Ah bon? Vous aimez ses livres? Vous aimez lire ses livres, hein? Bien sûr. Bon, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de bien sûr. Ça n'est pas obligé. Je connais beaucoup de gens qui aiment acheter des livres de Modiano, mais qui ne prennent aucun plaisir à les lire. Ah bon? Et d'autres dont je suis, qui détestent Modiano, mais qui n'ont jamais pris la peine de les lire. Ah bon? Mais pourquoi? Oh, Liliane. Liliane. Vous êtes tellement jolie, j'ai presque envie de vous appeler Lily. Si on pouvait éviter... Venez, on va fumer une clope dehors. Je ne fume pas. Ouais, Modiano, entre nous, c'est un peu la même story qu'avec Welbeck, hein. Même si je crois que c'est quand même plus bandant, Welbeck, non? D'après ce qu'on dit. Vous n'avez jamais lu non plus? Bon, j'ai trop peur d'adorer ça. Je ne peux pas lire les auteurs qui dépriment mes auteurs, c'est un principe de base, on va passer par là. D'accord. Cette année va être une année cruciale pour nous. On est au bord du gouffre, il faut que vous le sachiez. Faut qu'on décroche la timbale, sinon c'est foutu, on met la clé sous la porte. Mais la timbale, On a tout misé sur le roman de Stan pour septembre. Stan? L'amour est mort. Titre proprement génial. On vise la timbale et là, je crois vraiment qu'on va l'avoir. Ils ne peuvent pas faire autrement ce coup-ci. La timbale, c'est... Le Goncourt, ma petite Lily, le Goncourt. Parce que s'il y en a un qui le mérite, c'est Stan. Stan. Stanislas Norvid, réveillez-vous, ma jolie. C'est vrai. Ça, c'est un putain d'écrivain. Vous aimez, j'espère. Je voulais lire, je... Ah ben, obligatoire, là. Et il va falloir le défendre à mort. D'autant que, sincèrement, celui-là, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Mm-hmm. En même temps, méfiance. Ce n'est pas parce qu'on aime le plus qu'on défend le mieux. Là, c'est l'expérience qui parle. Ah, oh là là, La clope de 10 heures. La meilleure. Vous n'avez jamais fumé? Quand j'étais au lycée. Bon. Maintenant, ça veut dire quoi, défendre un auteur? Eh bien, je vous explique. C'est pas compliqué. Les éditions du bac. Tous les auteurs des éditions du bac, rien que les auteurs des éditions du bac. Le reste n'existe pas. Tout ce qui est en dehors des éditions du bac, on dégomme, on tire à vue. Défendre un auteur tel que nous, dans la maison, nous défendons nos auteurs, ça consiste d'abord et avant tout à attaquer les autres. Je ne dis pas les attaquouiller, je dis les attaquer, les défoncer, les détruire. Les dormessons, les becs bédés, les notombes, tous les galimuches, tous les grassouilles, et même les petites maisons, soi-disant petites, Stock, l'Olivier, méfiance, canardage tous azimuts. Et sans relâche, sans état d'âme, aucun discernement. Les bons comme les mauvais, ils sont tous nuls. Pour ça, Internet, c'est extra. Ouais. Faut qu'on se lance là-dedans, à fond. Ça fait des années que je le dis, le bossement. Enfin, écoutez, ça, c'est ma 34e année rentrée de septembre. C'est chaque fois le pont d'Arcole. Chaque fois Stalingrad. Chaque fois la guerre des six jours. Derrière les cocktails, les plateaux télé, les salons du livre... Canonnades, tranchées, missiles, mines personnelles et billards à trois bandes. C'est surtout là que je suis experte. Je suis la reine du billard à trois bandes. J'ai réussi des coups, faudra que je vous raconte. J'ai acquis un savoir-faire qu'il est temps que je transmette. Peut-être à vous, Liliane. À 67 piges, je peux dire que j'ai déroulé du câble. Mais je ne me fais pas d'illusions, je suis plus près de la sortie que de la rentrée. D'ici quelques années, j'aimerais bien partir en laissant derrière moi la nouvelle reine du billard à trois bandes. Bon, en attendant, on a une superbe rentrée cette année. Derrière le roman de Stan, il y a de très bons livres, un premier roman étonnant, sur l'Afrique. D'accord. Fort, très fort. Ça devrait accrocher, vu les derniers événements. Bon, et puis le Grégoire Touret, mais lui, c'est tous les ans, ça se vend tout seul, du gâteau. Ah, voilà le boss. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Sidonie. Alors, comment va notre nouvelle recrue? Non, Liliane. Sidonie a préféré prendre un pseudo, ce que je comprends. Ah bon, pourquoi? Sidonie Welbeck, c'était un peu... Elle préfère Liliane. Liliane Cousin, j'aime assez, je dois dire. C'est moins bien. Et puis, quand on a la chance d'avoir un nom célèbre, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Question pratique, Julien. On a déjà une Sidonie à la presse. Ah oui, pour le prénom, mais... Je crois que c'est aussi une question plus... morale. C'est ça, Liliane, non? Morale, enfin... Je ne vois pas où est l'immoralité dans le fait de s'appeler Welbeck. Michel ne s'appelle pas Welbeck. Il a pris le nom de jeune fille de sa mère, ma tante. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, raison de plus. C'est justement par rapport à sa famille. Ah, d'accord. Enfin, non, je comprends pas non plus, mais... Bon, ça vous regarde. Liliane, je respecte. Il est vrai, par ailleurs, que c'est un peu difficile à croire. Oui. Difficile, mais sans faire offense à votre cousin, que j'apprécie beaucoup. Quand on a l'image de Michel en tête, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse avoir une cousine aussi ravissante et moderne, si ce que j'ai lu dans votre CV est vrai. J'espère être à la hauteur. Vous êtes déjà dans cette maison celle qui maîtrisait le mieux Internet. On a pris beaucoup de retard au niveau des réseaux sociaux. C'est ce qu'on était en train de dire. Ça fait à peine 2 mois que nous sommes sur Twitter et d'ailleurs je ne sais pas encore ce qu'on y fait. En réalité, nous comptons sur vous. Vous êtes la geek que nous attendions tous. Anne-Sophie vous a installé? Non, pas encore. On fait un premier point. La salle de presse n'est pas très grande, mais on va s'arranger pour que vous soyez à l'aise. Elle le sera. Je voulais vous dire, Monsieur Després, je suis très fière de travailler pour une maison que j'admire. Il n'y a vraiment pas de quoi. Nous sommes au bord de la déroute. Tout comme le marché de l'édition, d'ailleurs. On ne fait que survivre. Mais on va s'en tirer, comme d'hab. Stan aura le Goncourt ce coup-ci. Ils ne peuvent pas faire autrement. L'enthousiasme légendaire d'Anne-Sophie. Bon, je vous laisse. Saluez votre cousin, Liliane, s'il vous plaît. D'accord. Je n'ai pas eu l'occasion de le féliciter pour son film, que j'ai trouvé tellement drôle. Ah bon? Non, vous n'avez pas aimé? Ce n'est pas le meilleur côté de Michel. Si, justement, c'est très Welbeckien. Pour notre famille, ce n'était pas très aimable. Ah oui, bien sûr. C'est toujours l'inconvénient avec les œuvres d'art. Elles sont faites par les artistes. J'adore. Comment je dois prendre ça? Quoi donc? Sa réflexion sur les artistes. Il peut être beaucoup plus vache. Je crois que je vais vous demander une cigarette. Notre salle de presse, Colette, qui s'occupe de la province et de l'étranger, Céline, son assistante, bonjour. Sidonie, bonjour. The first, bonjour. Unique Sidonie, Jean-Bernard, notre stagiaire. Bonjour. Je vous présente Liliane Cousin, qui va surtout s'occuper d'Internet, les réseaux sociaux et tutti quanti. Bon, c'est bien joli tout ça, mais... Où est-ce qu'on va vous mettre? On n'a pas le choix. Ah, Franck, vous arrivez pile. Il faut tout réorganiser, là. Je vous présente Liliane Cousin. Il faut lui trouver une place. Bonjour. Bonjour. Franck est notre magasinier. C'est le responsable des envois. On déplace à grande table. Là, je fais des paquets à longueur de journée. J'emballe. L'humour de magasinier, ça n'est pas contagieux, rassurez-vous. Et vous, Liliane... Mettez-vous là. D'accord. Et pour les auteurs, comment on fait? Oh, ils commencent à signer quand? Demain, les livres sont là. Ouais. Vous n'avez pas une petite table, Franck, qui rentrerait là? Là? Pas grand, hein? Il y avait un truc à quoi je pense. Pas vraiment une table. Faut que ça rentre, c'est tout. Faut que je le remonte de la cave. Si ça y est encore. Je vais voir. Génial. Jean-Bernard, vous serez gentil de donner vos livres de la rentrée à Liliane? Tous? Oui, tous. Je les mets dans un sac, alors? Non, Jean-Bernard, vous les lui balancez à la figure. Non, mais je rêve. À 18h30, tout le monde a filé. Liliane, l'ex-Sidonie, a du mal à partir. Mais elle a peur d'être enfermée dans les locaux. Pour rentrer chez sa tante de Paris, qui habite un petit appartement sombre, rue Payet, au coin de la rue Soufflot, et qui la loge provisoirement, Sidonie traverse le Luxembourg, lourdement chargée des deux sacs pleins de romans de la rentrée. Rue Payet. Ça la fait rire. Adélaïde dit toujours, il y en a qui aiment les paillettes, moi j'aime la rue Payet. Le jardin est poussiéreux en cette fin août. Mais le soleil bat le colorant doré. Les marronniers roussissent déjà. Les statues latoises, les merles chantent. Des centaines de promeneurs colonisent les chaises vertes. Des centaines de marcheurs soulèvent des cratères de sable. Ils ont l'air de savoir où ils vont. Ils ont l'air de ne pas l'avoir. Elle n'a pas envie de s'attarder, trop pressée de vider sur son lit ses sacs de toile au logo des éditions du Bac. Sidonie ? Une voix depuis la cuisine. Alors ? Adélaïde est chimiste. Les livres sont sa passion, comme Primo Levi, précise-t-elle toujours. Alors, figure-toi que ma chef m'a rebaptisée. Je suis Liliane Cousin. Elle, c'est Anne-Sophie. Elle m'a fait tout un cours sur les noms célèbres. Elle en veut spécialement à Patrick Modiano. Un peu comme si c'était l'ennemi numéro un des éditions du Bac. Chaque fois que Modiano sort un livre, c'est un drame pour elle. Il passe devant tout le monde, un cauchemar. Ça fait 40 ans que ça dure. Elle a fait plus de 40 rentrées, tu imagines? Pour elle, tout le mal vient de Bernard Pivot et d'Apostrophe. Alors, à cause de Pivot, de Modiano et de je ne sais plus trop quoi, je m'appelle désormais Liliane. Tu n'as pas résisté. C'est moche, non? Ce discours, ce nom... Ça me fait un sale effet. Tu sais, j'étais tétanisée. Plus aucun sens de la répartie, le cerveau vide, les mains moites, une chiffe molle. Une chiffe devant la chef. Elle a tellement d'énergie qu'elle aspire la tienne comme un aimant, comme un trou noir. Comme une goujate mal élevée. Ah non, non, non, elle n'est pas... Je dirais plutôt qu'il y a un climat spécial. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça vibre de partout, un peu comme une fête foraine. Ça vibre de peur, de haine aussi, pas mal. Par exemple ? Bah, ce que je te disais, Modiano, elle le déteste. Elle le déteste, lui, par conscience professionnelle. Il a quand même écrit Dora Bruder. Ah bah, elle s'en fiche de Dora Bruder, elle a pas lu. Elle a pas lu un seul de ses livres. La littérature, c'est un champ de bataille pour elle. C'est une colonelle avec des plans d'attaque et pas d'attaquouille, la guerre. Elle ne lit pas, elle canarde. Demain, on commence vraiment. C'est ce qu'elle m'a dit, on s'arme. Puis j'ai vu Julien Després. Ah. Tu sais, il m'est arrivé un truc très bizarre. J'ai fumé une cigarette. T'en penses quoi ? Adélaïde ne répond pas. Elle est plongée dans L'amour est mort, le roman de Stanislas Norvid. Je t'ai posé une question. C'est incroyable, ce livre. Elles ont mis le couvert, mangé, débarrassé. Sidonie allume son ordinateur. J'ai l'impression que c'est la rentrée. Une impression, tout ce qu'il y a bien vu. Je veux dire la rentrée des classes. Avec cahier de texte et devoirs. Extrêmement bien. Tes affaires de classe sont là. Une idée. Il faut que j'aie une idée pour demain, pour le site. Ils me parlent tous des réseaux, du fil d'info, des blogs. Ce qui serait bien, ce serait que je les épate avec une idée. Je crois pas que tu te fais un peu trop de billes. Et regarde là. Les photos de la rentrée. Il y a un truc à faire sur les photos. Regarde cet article de Bibliops. Les 8 astuces pour réussir une mauvaise photo d'écrivain. Alors, le doigt sous le menton, la tête penchée, le plan sur le canapé, le visage pensif tourné vers la fenêtre, le sourcil froncé, le regard profond. Ce serait bien de révolutionner. Stanislas Norvid arrive dans la salle de presse des éditions du Bac. Il salue tout le monde. Bonjour Stan. Bonjour Stan. Bonjour. Vous voulez un café ? Volontiers, merci. Oui. Bon, où est-ce que je m'installe ? Là, je vous ai mis vos livres. Les étiquettes sont là. Ah oui, j'ai vu Jean-Bernard, j'ai vu, oui. Mais moi... Où je m'assieds ? Ben, sur la chaise, derrière la table. Mais il n'y a pas de place pour écrire, Jean-Bernard. Il y avait une grande table, elle est où ? C'est moi qui l'ai prise. Désolée. Liliane s'occupe de l'Internet, les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. C'est très important. Non, c'est l'avenir, mais ça n'est pas important, l'avenir. Hein ? C'est même très chiant, l'avenir. Vous ne trouvez pas, Liliane ? Alors, vous faites quoi exactement ? Sur le net. Beaucoup de choses. Reconstruire la page Facebook, installer des alertes, mettre en ligne votre actualité, créer des événements, mobiliser les followers. Et pour vous, je... Ah, dit comme ça rapidement, follower, ça fait flower. Que 1000 flowers s'épanouissent, etc. J'ai commencé votre livre hier soir. J'en suis à la moitié. C'est passionnant. Et en plus, on lit les livres. Bon, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être s'organiser autrement au niveau de l'espace. Moi, je l'aimais bien, cette table. Ça fait 23 ans que je viens signer mes livres à cet endroit et j'y étais attaché, quoi. Vous les avez mises où, mes piles ? Là, mais... Ah, sur un meuble de jardin. Ah ben, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. C'est intéressant de voir comment la place qu'on accorde aux écrivains se réduit peu à peu dans l'industrie du livre... D'où l'intérêt d'en inventer une autre. Imaginaire, vous dites virtuel, mais ce n'est rien d'autre que imaginaire. Je suis désolée. Non, vous n'y êtes pour rien. C'est un phénomène qui nous dépasse. Feignons, etc. La table vous pose un problème? Ah, mais je ne sais pas, Céline. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous voulez que j'appelle Anne-Sophie? Julien n'est pas là? J'y vais. Je demande à Fabienne. Ah oui. Demandez à Fabienne. Et qu'elle dise à Julien que je trouve difficile de signer des livres sur une pile de livres posés en équilibre installé sur une table de jardin, hein, pliable, ronde, de 30 cm de diamètre avec des trous. Votre café. Merci, merci, trop aimable. Putain, je peux pas te lever. Où tu voulais que je le mette? Ah, Stan. Ah. Tu es là. Toujours à l'heure. Ah, chérie. Tu avais ton bébé, ouais. Il te plaît. Il est magnifique. Bel objet. On l'a bien en main. Et quel titre? Ah oui, tu trouves? Ah bah oui, c'est pas que je trouve, c'est qu'il est génial. Très très bien. On le tire à 30 000, tu sais ça? 20 000 de mise en place, pour commencer. Ça va cartonner. Ah, ouvrez les cartons, mais c'est de là que vient cette expression, cartonner, hein? Ça cartonne, tu cartonnes. Et rien que sur le titre, j'avais déjà des retours de malade. Et là, avec les épreuves, je te dis pas, c'est de la folie. De la folie. Ah oui, le titre, ça plaît. Mais oui, mais c'est pas que ça plaît, les gens sont dingues. L'amour est mort, fallait oser. Ouais, Julien, il n'était pas très pour. Hein. La mort a jamais porté chance en littérature. Je sais, mais je t'avoue, moi non plus au départ, j'étais pas super, super bouillante, mais. Pari gagné, quoi. Hein? Pari gagné. Oh, qu'est-ce qui se passe, Stan? Ça va? Tu peux pas signer? Si, c'est-à-dire je peux, en restant debout, quoi. En... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais... Qui a fait ça? Ah, personne, non, personne. Mais tu vois, Julien, il y a 20 ans, bah, exactement 23 ans, quand j'ai dédicacé mon premier livre, bah, ça se passait dans la bibliothèque, aujourd'hui devenue la Compta. Et moi, ouais. Je me sentais bien entre les quatre murs remplis des ouvrages de cette historique maison, tu vois. Une grosse table, en chêne, un fauteuil, du silence, des piles de livres. C'était une cérémonie. Et moi, j'étais très impressionné la première fois. Bon, un peu moins la seconde. Et après, je dois avouer que je prenais ça à la légère. On s'en moquait un peu, d'ailleurs. Ben, on avait tort, parce que tout s'est dégradé. Parce que là, je vois où l'ironie nous a conduits. Oui, tu as raison, Stan. Mais merde, quoi ! C'est une coutume de signer des livres. Et quoi que les écrivains en disent, là, les blasés, les au-dessus de tout ça, c'est un moment sacré, quoi. C'est aussi pour ça qu'on écrit des livres. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est pour écrire un petit mot à sa maman, quoi, à son papa, à sa femme, à son amant, hein, à son éditeur même. Tiens. À quoi servent les livres si ce n'est pas à vivre ce petit moment d'affection, hein, de tendresse envers tous ceux à qui on n'ose pas parler dans la vie. Un petit mot banal, malhabile, niais, une blague. Mais pour trouver cette blague, ce mot doux, cette niaiserie, il faut se sentir important aussi, entouré, aimé. Alors, si vous mettez les écrivains sur une table de jardin pliable, qui tient à peine debout, mais vous affichez votre mépris, et l'écrivain, il se méprisera lui-même, et il signera plus ses livres. On va remettre la table. Je crois qu'il faut, oui. Oui. Parce que si vous supprimez ce moment, vous inoculez chez les écrivains le virus du mépris, de la déréliction. On a compris, Stan. Si ça continue, c'est la sauvagerie à brève échéance. Et ça finit dans les blogs, les sites, toute cette cochonnerie. La dématérialisation a ses limites. Bon, Stan, je t'emmène boire un café. Et à ton retour, tout sera comme avant. Mais t'inquiète pas, je gère. À suivre. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Anne-Sophie. Je suis la reine du billard à trois bandes. J'ai réussi des coups. Faudra que je vous raconte. Christiane Coendi. Figure-toi que ma chef m'a rebaptisée. Liliane Sidonie. Je suis Liliane Cousin. Clémentine Verdier. Stanislas. Et en plus, on lit les livres. Jérôme Kircher. Julien. Enfin non, je comprends pas non plus. Mais bon, ça va. Olivier Creveillé. Liliane, je respecte. Adélaïde. Incroyable ce livre. Elisabeth Mazef. Céline. La table vous pose un problème? Guylaine Londez. Lambel. Franck. Lambel. Lionel Mur. Il y avait une grande table. Jean Bernard. Elle est où? Yann Tassin. Le suspense tient en deux questions. Le speaker. Vincent Grasse. Pourquoi ce titre? Septembre rouge. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage. Jean-Louis Deloncle. Pierre Henry. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation Cédric Ossier. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.